كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بصيام النوافل، أي بعض الأيام المستحبة فيها الصيام. مثل ماذا؟ des jours où c'est recommandé الصيام. مثل ماذا؟ نعم، ثلاثة أيام في الشهر. الدليل حديث أبي هريرة، أوصاني خليلي بثلاث، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بثلاث. Et parmi ces trois choses, صيام ثلاثة أيام من كل شهر. Ces trois jours, on a dit l'afdal. Quand? Trois jours de chaque mois. أيام البيض. أيام البيض أي الثالث عشر، الرابع عشر، والخامس عشر. On a vu كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه. Et il y a dans autre que le 13, le 14 et le 15, bien sûr des mois de l'Hégire. Comme dans le hadith d'Aïcha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jeûne et ahyana au début, au milieu ou à la fin du mois. Aham shay, trois jours par mois. Il y en a chaque jour, ça équivaut à 10 jours, et celui qui jeûne trois jours par mois, fahwa ka siyam ad-dahr. C'est comme si je jeûnais tout le temps. Et ça, c'est un fadl azim. Lakin, الأفضل أيام البيض 13, 14, 15. كذلك أفضل من هذا يوم الثاني والخامس. لا، أحسن من هذا لا. أما الاثنين والخامس on l'a pas cité. Ce qu'on a cité نحن صيام داود. أحسنت، أي صيام يوم وفطر يوم. Faire le siyam un jour sur deux. هذا c'est أفضل الصيام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. Et dans حديث عبد الله بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré فصوم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. هذا c'est أفضل الصيام على الإطلاق. Jeûner tous les jours. لا ينبغي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبد الله بن عمرو اللي demandé إني أطيق أفضل من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. سنموضح أن faire plus c'est pas من سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء حرموه، ils ont dit que c'était حرام، بعضهم ils ont dit que c'était مكروه. وتقدم معنا أن الصواب c'est que c'est مكروه، فلا ينبغي. كذلك لندي الجودي الاثنين والخميس قد أدلة في هذا. كذلك صوم عاشوراء، كذلك صيام يوم عرفة. tout ça c'est des jours النبي صلى الله عليه وسلم nous a démontré أنه هي فضل عظيم. donc المسلم على الأقل c'est qu'il fasse ces jours qui sont recommandés. النبي صلى الله عليه وسلم nous a démontré كعرفة وعاشورة. لأن سي دي جور سي تري بو الأجر إلي عظيم. Et celui qui est régulier et qui arrive à faire 3 jours par mois, أو les lundis et les jeudis, هذا إلي على خير عظيم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم nous a démontré أن il y a des jours qu'il ne faut pas jeûner. مثل ماذا؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة، il faut une précision. نعم، إن لم يصم قبله أو بعده فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أي حديث جويرية أنه أمرها صلى الله عليه وسلم بالإفطار. quand il lui a demandé est-ce que tu as fait le siyam avant، أي le vendredi، et est-ce que tu vas le faire après، فقالت لا، فقال أفطري. هذا أمر. Et là, dans notre hadith, hadith Abi Huraira, il y a un nahi. La yassoumanna ahadukum yawm al-jumu'a. Aymun faridan. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré. Illa an yassoum yawman qablahu ou yawman ba'da. كذلك من الأيام يوم العيد الأضحى وكذلك عيد الفطر أي في أبخر رمضان لبخومي شوال عيد الأضحى معروف في ذي الحجة فهذان اليومان النبي صلى الله عليه وسلم نزع انتغدي دفر الصيام ونحن نعلم أثر عمر بن الخطاب وكذلك أثر أبي سعيد ورابط C'est un hadith. مرفوع لأنهم يغبط عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. Donc c'est un Nabi صلى الله عليه وسلم qui a interdit de jeûner ces deux jours. هذا ما يتعلق بهذا الباب العظيم. أفضل الصيام وغيره. واليوم نقرأ بابا جديدا في ما يتعلق بليلة القدر قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه باب ليلة القدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر أي رأوا ليلة القدر في المنام أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر للست derniers jours de رمضان في السبع أو للست derniers nuits plutôt de رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر خمي حديث أن الصحابة رضي الله عنهم Certains parmi eux, certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont vu en rêve que Laylat al-Qadr, c'était les sept dernières nuits. Elle était dans les sept dernières nuits. Une nuit parmi les sept dernières. Hada ce hadith, il nous montre al-mu'minin, khasatan al-salihin, s'ils font tous le même rêve, bah ce rêve, en général, c'est haqq. Bah, les hada, quand ils ont vu, et ils ont rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appuyé, فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا et celui qui recherche Laylat al-Qadr, il la recherche dans les sept dernières nuits. فهذا, c'est le premier hadith du bab. أما les rêves qui contredisent le din, ou c'est واحد, خاصةً il n'est pas accroché à la sunnah, et il est connu pour le kadib ou le khurafat, et il cite des rêves, et c'est des rêves qui contredisent le din, فهذا, لا عبرة برؤيته ولا بقوله لأن notre دين il est fondé sur الأدلة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم il a appuyé leur rêve avec ce hadith أما des rêves et comme ils font بعض الجهال أنهم leur دين ils prennent des rêves j'ai vu telle chose etc et ils délaissent le kitab ou le sunnah فهذا c'est pas من التوفيق c'est pas من العلم العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة رضي الله عنهم أما الغيب ça peut être حق ça peut être باطل si c'est un rêve طيب qui contredit pas de dîn et c'est une bonne un bon rêve une bonne annonce pour toi الحمد لله تستبشر به si c'est un rêve un mauvais rêve فالسنه c'est de ne pas le rapporter tu fais pas attention لأن ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون تغيبه أو تغيبه donc en tant que musulman On ne doit pas baser notre vie et même notre dîn sur des rêves. Il y en a beaucoup de gens, tout ce qu'ils font, c'est par rapport aux rêves. J'ai rêvé, ou j'ai fait un cauchemar, et ils basent sa vie sur ça. Là, la plupart des cauchemars, c'est mina shaitan. Et qu'il est shaitan, il est daïf. Là, tel te fit l'ihad. Fais des efforts dans ton dîn, la sincérité, et les rêves, s'il est bon, alhamdulillah, s'il est mauvais, Ça arrive à tout le monde, ne le rapporte pas et n'y prête pas attention. C'est ça le mawqif sahih. Amma nos efforts, on les fait fi al-kitab ou sunna dans l'ilm. Et si on est à l'ilm et on fait des efforts, alhamdulillah. Tout ce qui viendra, ça sera al-khayr. Hada c'est un tambih par rapport à cette mas'ala li annaha li cité dans le hadith. تنبيه آخر أن نطق الدين لكامل كما أخبر الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. أما على الوقت فالدين النبي صلى الله عليه وسلم يغصبه encore la révélation. C'est pour ça qu'ils ont informé le Nabi صلى الله عليه وسلم. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم il leur a dit: نعم فمن كان متحريها فليتحريها في السبع الأواخر. Donc ça fait partie de notre din. C'est le Nabi صلى الله عليه وسلم qui a dit cela. أما نحن notre din il est fini الآن. Il est complet. Si tu as besoin de quelque chose, le Coran ou le Sunnah. أما les rêves, فلا. Si c'est un rêve, alhamdulillah, qui annonce une bonne nouvelle et qui ne contredit pas le din, belle, qui démontre des choses qui sont déjà dans le din, Inch'Allah, c'est une bonne nouvelle pour toi. Et fais des efforts. Si tu ne fais pas des efforts, le rêve, ce n'est pas un amal. Le rêve, c'est un rêve. أما un rêve, كما يفعل بعض الناس, أنه il doit faire telle chose comme ibadah, il doit dire 1000 fois telle chose, il doit dire 50 fois telle chose, des choses qui n'ont aucune source dans le Coran et dans le Sunnah, enfin, ça c'est des khurafats. Et c'est le shaitan qui joue avec ce abd, ce da'if. L'insan est intabih li hada. Ad-din il a des sources, ce n'est pas les rêves. Ad-din c'est le kitab ou le sunnah. Avec la compréhension de as-sahaba, de salaf, de a'immat al-islam. هذا ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو. أما سكي إن رابور مع ليلة القدر ونلي تولي أحاديث لأن هذه مسألة vous allez voir qu'il y a plusieurs hadith et pour comprendre ce bab il faut rassembler tous les hadith. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا تحروا ça vient de تحري dans le premier hadith قال فليتحراها فليتحراها et dans celui-là تحروا التحري c'est faire des efforts pour avoir une chose. Enfin, celui qui veut la récompense de Laylat al-Qadr, il fait des efforts. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا Laylat al-Qadr في الوتر من العشر الأواخر. Dans ce hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a cité les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits. La nuit du 21, du 23, du 25, du 27, du 29. Donc, premier hadith, les 7 dernières nuits, que ce soit pair ou impair. Deuxième hadith, les 10 dernières nuits, impair. Troisième hadith, عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الاعتكاف. Ça sera notre prochain درس إن شاء الله الاعتكاف. أي ملازمة المسجد. Rester au مسجد avec la niya d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas sortir qu'en cas de hajj pour aller aux toilettes faire ses besoins ou pour manger. Thumma il revient au masjid et il adore Allah subhanahu wa ta'ala, qira'at al-Qur'an, al-dhikr, etc. C'est ça l'i'tikaf. Al-muhim c'est rester au masjid pendant un moment donné, une durée déterminée. Matalan le Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-an fi al-ashr al-awsat, les 10 nuits, les celles du milieu, de la 10e jusqu'à la 20e. في رمضان. قال فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله 21 وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال. Tout ça viendra inshallah في باب الاعتكاف. نحن ce qui nous intéresse ما يتعلق بليله القدر. قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر. Donc النبي صلى الله عليه وسلم après il a fait l'i'tikaf les 10 dernières nuits. قال فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. Aïe, il a vu ليلة القدر. Aïe, il a su c'était quand exactement. ثم قال أنسيتها. ثم il a oublié. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. النبي صلى الله عليه وسلم il a vu qu'il avait fait as-salat pendant Laylat al-Qadr et il a oublié le jour ou la nuit précise. Lakin il s'est rappelé annahu il a fait sujoud dans fima wa tin. Aïe, de l'eau, et at-tin c'est la boue. Lian à l'époque ta'lamoun anna kama sayati ma'ana anna leur masjid c'était kama qala wa kana al-masjid 'ala 'arij. Al-masjid c'était pas comme aujourd'hui, dès qu'il pleuvait la pluie elle rentrait, etc. قال في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم dans son hadith recherché laylatul qadr les 10 dernières nuits waltamisuha fi kulli witr. Il a commencé par les 10 dernières nuits, ثم il a dit les nuits impaires. قال اي راوي الحديث فمطرت السماء تلك الليله وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça montre que c'est la parole du sahabi de Abu Sa'id radiyallahu anhu. Il a vu ses propres yeux, ils ont vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala jabhatihi atharul ma' wa at-tin. Et le rêve ou la vision que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a eu, annahu il s'est prosterné dans, il y avait de l'eau et de la boue. Abu Sa'id il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se prosterner et il y avait la marque de cette eau et de cette boue. Qala min subhi 21. Ça montre que Laylatul Qadr cette année, à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, une année qu'ils ont fait, Laylatul Qadr c'était le 21. Ça te montre que c'était pas les 7 dernières, comme c'est cité dans le premier hadith. Et ça c'est important pour comprendre ce bab. Et on reviendra en détail les hadith al-mas'ala, et c'est quand Laylatul Qadr. أولا ليلة القدر لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. Cette nuit elle a un فضل عظيم عند الله عز وجل. C'est pour ça que c'est important de connaître الأحكام المتعلقة بهذه الليلة. Et qu'est-ce que tu dois faire durant cette nuit? كذلك c'est important de connaître le moment, c'est quand? Et cette nuit ليلة القدر. Et c'est important كذلك de savoir occuper son temps durant cette nuit. Éviter al-farar, éviter les bid'a, éviter les khurafat. Tout ça c'est important. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه في شرحه قيل سميت بذلك اي pourquoi ils l'ont appelé ليلة القدر. Et تعلمون ان ليلة القدر cette tasmiya elle est venue في القرآن. قال عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Donc pourquoi الله سبحانه وتعالى il l'a appelé ليلة القدر. قال الشيخ سعدي قيل سميت بذلك لأن قدرها عند الله عظيم. القدر c'est la valeur. أي cette nuit elle a de la valeur عند الله عز وجل. C'est pour ça qu'Allah سبحانه وتعالى il l'a appelé ليلة القدر. Ça vient pas de ay ala hada al qawl, c'est pas al qadr, le destin, là c'est le qadr, avec quelque chose qui a de la valeur. Wa qila li anna qadr al ibada fiha 'inda Allah 'azim. Et ça ressemble au premier qawl. Ay l'ibada dans cette nuit elle est multipliée comme fi al Qur'an. Inna anzalnahu fi laylat al qadr wa ma adraka ma laylat al qadr, laylat al qadr khayr min alf shahr. Mieux que 1000 mois. Et l'ibada fi hadhihi al-layla, c'est mieux que l'ibada de 1000 mois. Et plus de 80 ans. Donc, laylat al-qadr, et qadr al-ibada fiha, indallah il est azim, il ajr il est mudha'af. Ça, c'est un autre qawl. Wa qila, li'annaha tuqaddar fiha al-ashya kulla an. Un autre qawl, anna, elle s'appelle laylat al-qadr, li'anna fi hadhihi al-layla, الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما يحصل في العام كما قال عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. Et ça on ne détaillera pas al-qadr. Il y a plusieurs degrés, al-qadr de toute la vie, al-qadr de la semaine, al-qadr de l'année. Tout ça Ibn al-Qayyim il a détaillé في شفاء العليل. Et c'est des durus في العقيدة. نحن ce qui nous intéresse c'est la parole de Cheikh Sa'di قال ولا مانع من إرادة هذه الأشياء كلها فهي عظيمة المقدار. Ces trois قول qu'on a cité elle a une grande valeur عند الله. العبادة est multipliée et كذلك dans cette nuit الله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء. Tout ça ça se contredit pas. ولا مانع من إرادة هذه الأشياء كلها فهي عظيمة المقدار ولهذا وصفها الله تعالى بأنها سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. كذلك سن فضيلة عظيم أن فيها السلام، وبأن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر الذي هو عمر طويل. نعم 1000 mois ça équivaut à un peu plus de 80 ans et في الحقيقة c'est la durée d'une vie بل une longue vie. فإن ألف شهر نيف 80 سنة أي 80 et quelques 83 84 ولهذا وصفها بأنها مباركة. نعم إن أنزلناه في ليلة مباركة أي القرآن الله سبحانه وتعالى لا غيب إليه في هذه الليلة المباركة ولهذا وصفها بأنها مباركة ووصفها بإنزال القرآن فيها ليس كذلك سنطفض أن القرآن إلى يتغيب إليه dans cette nuit أو إلى يتدسندو plutôt dans cette nuit. قال إما معناه ابتداء بإنزاله فيها. Après, on a déjà vu cette mas'ala. Inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran la nuit du destin, laylat al-qadr. Ba'dahum qal, le début de la révélation, ça a commencé laylat al-qadr. Ça, c'est un qawl. Qal, ou kama qal ibn Abbas, anzala fiha, ou unzila fiha ila samai dunya ila bayt al-izza jumlatan, thumma nazala mutafarriqan ala hasb al-waqa'i'. Et c'est ça, as-sahih. Annahu, comme a dit Ibn Abbas, il est descendu il a sama dunya d'un coup le Coran entier, thumma petit à petit il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril pendant plus de 20 ans, toute la période où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation au début, au départ à Mecca, thumma Medina jusqu'à sa mort alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le qawl sahih. Ala kulli hal, hadhi layla ala un fadl azim inda Allah azza wa jalla. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui fait, qui passe la nuit de ليلة القدر en salat إيمانا واحتسابا, bien sûr, sincèrement, il espère la récompense عند الله عز وجل, فهذا الله سبحانه وتعالى il lui pardonne ses péchés. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة. هذا ما يتعلق بالفضل. بقي الآن pour pouvoir profiter et espérer la récompense, il faut savoir c'est quand ليلة القدر. العلماء اختلفوا في هذا. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه, il a cité plusieurs aqwal, plus de 40 qawl fi hada, fi al-fath. Et certains aqwal sont ba'ida. Tu peux résumer hadi al-aqwal comme a qala al-Sheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ila arba'a. Amma al-Hafiz fatawassa'a fi al-fath, fath al-Bari, et il a cité 40 qawl. Lakin tu peux résumer tous ces aqwal en 4, et les 4 plus connus, les plus proches. Amma yade aqwal fala son ba'ida jiddan. On lit la parole de Cheikh al-Bassam. Qala Cheikh Abdullah al-Bassam wa yumkin tasnif hadhihi al-aqwal ila arba'a fi'at. Tu peux, nahnu on a dit les 4 plus connus, les 4 plus proches, là c'est plutôt tous ces aqwal. Cheikh al-Bassam il les a partagés en 4 groupes. Parmi ces aqwal, قال الأولى مرفوضة, il y a des aqwal qui sont rejetés, كالقول بإنكارها في أصلها أو القول برفعها, comme ceux qui l'ont renié ou certains qui disent que c'était qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم لأنهم ils se sont basés أنها رفعت, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a oublié, فعندهم c'était que pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ثم et c'est plus valable pour ceux qui viennent après, et ça c'est des aqwal marfouda, c'est pas sahih. Ça c'est le premier groupe, la première partie des aqwal. La deuxième, qala dha'ifa, des aqwal dha'ifa. Par exemple, il cite al-qawl bi annaha laylatun nisf min sha'ban ou qu'elle n'est pas fi ramadan. Tout ça c'est des aqwal dha'ifa. Il y a un qawl, ba'dhum prétend annaha c'est la 15e nuit de sha'ban, c'est même pas fi ramadan, c'est la 15e nuit de Sha'ban. Et c'est pour ça que tu trouves beaucoup de bid'a dans cette nuit. Les annahum, pardon, ils pensent que c'est hada. Et c'est pas sahih. Allah Azza wa Jal qala shahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Shahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et dans l'autre verset, inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Ça te montre que le Coran, il a été révélé laylat al-Qadr. Et laylat al-Qadr, elle est fi ramadhan. Et Allah Azza wa Jal qala shahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ça, c'est un qawl, il est... C'est à quoi elles sont daïfs, qu'elle n'est pas fait Ramadan ou qu'elle est fait Sha'ban. Al-Thalitha, la troisième catégorie de aqwal, c'est des aqwal marjouha. Aïe, ce n'est pas des aqwal sahiha, mais ils sont beaucoup plus proches que les aqwal précédents. Mathalan, quel qawl bi annaha fi Ramadan fi ghayr al-ashr al-awakhir. Il y a un qawl, ba'd al-ulama yaqulun, annaha li fi Ramadan pas dans les 10 dernières nuits. Elle peut être au début de Ramadan. Et هذا c'est un قول ضعيف كذلك, il est marjouh. La quatrième partie de ces aqwal, et c'est la plus juste, هي كونها في العشر الأواخر. أن ليلة القدر elle est dans les 10 dernières nuits. Al-Hafidh ibn Hajar رحمه الله عليه, il a détaillé et son قول il est طيب. Il a démontré رحمه الله أنه le plus proche, c'est que c'est dans les 10 dernières nuits. Ça, c'est wadih. Et le plus proche dans ces 10 dernières nuits, c'est qu'elle est dans les nuits impaires. Donc, tu as les 10 dernières nuits. Thumma, ça, c'est important par rapport à tes efforts que tu feras. Le Nabi, il a démontré, man kana mutaharriha, ça montre que as-sahaba, il faisait des efforts pour la rechercher. Le anna, la récompense, elle est azim. Tes péchés sont pardonnés, ça équivaut à plus de 80 ans d'ibada, c'est quelque chose d'azim, surtout celui qui fait tous les ans. Donc, les efforts pour la rechercher les 10 dernières nuits. Impair ou pair? La nuit du 20, du 21, du 22, du 23, encore plus les nuits impaires. La nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27, la nuit du 29. Encore plus. قال وأرجى الأوتار ليلة 27. Et le plus proche, ou le plus souvent, ça sera le 27 dans les nuits impaires. Le 21, le 23, le 25, le 27, le 29, le plus souvent, le 27. قَالَ وَأَرْجَ الْأَوْتَارِ جُمْلَةَ السَّبْعَ الْأَوَاخِرِ. كَذَلِك, les 7 dernières nuits, c'est encore plus proche. Donc, هَذَا التَّرْتِيبِ الْمُهِمِ. Pourquoi ? لِأَنَّ تَا plusieurs أَدِلَّ فِي هَذَا. Vous avez remarqué le bab qu'on a lu, النبي صلى الله عليه وسلم قال les 10 dernières nuits. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit les nuits impaires. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit les 7 dernières nuits. Et on va voir des autres أَدِلَّ. لِأَنَّ الْحَافِظ عَبْدُ الْغَنِي الْمَقْدِسِي il n'a pas tous cité فِي مَا يَتَعَلَّقْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ. Pourquoi الْحَافِظ ابن حَجَر et d'autres, شَوْ نَعْتَيْمِن كَذَلِك il a choisi cet avis, pourquoi il a pas cité que Laylat al-Qadr est que dans une nuit. Comme certains y pensent, c'est le 27. Là, il y a des autres adillah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sa'id, il témoigne, il l'a vu. Et avec les signes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné pour Laylat al-Qadr, annahu, il s'est prosterné dans de l'eau et de la boue, c'était le 21. Ça prouve que c'était pas le 27. Ce hadith, il te montre, anna, c'est une erreur. Ceux qui pensent que Laylat al-Qadr, c'est toujours le 27. Là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé que c'était le 21. Kadhalik les autres adillah. Donc, pour comprendre cette masala, tu rassembles tous les hadiths et tu t'apercevras que qawl al-hafidh et d'autres, c'est le qawl al-sahih. Pourquoi ils ont dit que les nuits impaires c'était le plus proche? Il y en a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il y a un. Donc, fais des efforts les nuits impaires. Pourquoi ils ont dit la nuit du 27 c'est plus proche? Il y a un hadith Muawiyah, radiyallahu anhu. لكن il est موقوف اي موقوف عنه c'est la parole de Muawiyah قال هي ليلة 27 Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه كذلك c'est rapporté authentiquement عنه أنه كان يحلف كما في صحيح مسلم كان يحلف que cette nuit c'est la nuit du 27 et Ubay ibn Ka'b c'est un sahabi jalil, il fait partie des grands sahabas. كذلك جاء عن ابن عباس

Parmi les signes, quwwatul idha'a wan nur fi tilka al-layla. Aïe, il y a de la. Elle est comme éclairée par rapport aux autres nuits. Les autres nuits, elles sont plus sombres. وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها إلا من كان في البر بعيدا عن الأنوار. صحيح. À notre époque, t'as du mal à t'en rendre compte, surtout ceux qui habitent dans les villes, لأنه s'éclairait toute la nuit. Mais ceux qui vivent à la campagne, il y a pas d'éclairage la nuit. فهؤلاء ربما يحسون une différence par rapport aux autres nuits. Le deuxième signe, الطمأنينة. أي الطمأنينة القلب. الطمأنينة Aïe, la tranquillité dans ton cœur. Tu sens que tu es mutma'in. Le troisième, قال بعض أهل العلم إن الريح تكون فيها الساكنة. Aïe, لا يأتي فيها عواصف أو قواصف بل يكون الجو مناسبا. نعم, حتى le climat, la température, elle est طيبة. Tu ressens du hudou. Et كذلك, un autre signe, ce signe c'est après la nuit du destin. Il y en a ces signes, c'est pendant. Cheikh Ibn Taymiyyah l'a divisé en deux, des signes qui sont pendant cette nuit, et un signe qui est après, c'est an-shams tatla fi sabihatiha laysa laha shu'a safiya laysa laha shu'a safiya. Et quand le soleil se lève, et ceux qui ont déjà vu, ils comprennent hada. La nuit en général, le soleil en général, dès qu'il se lève, tu vois qu'il y a des rayons, ça te fait mal aux yeux. Amma laylatul qadr rubbama tanduru ila ash-shams, comme si tu voyais la lune. Il n'y a pas les rayons et ça te fait pas mal aux yeux. Et hada, c'est un signe qui vient après. Comme fi hadith Ubay ibn Ka'b fi aw la, ça c'est un hadith akhar. C'est un hadith fihi di na'am qala wa amma ma yuzkar annahu yuqal fihi nabahu al-kilab. أو أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية ليست كعادتها ببقية الأيام قلت يدل على ذلك حديث أبي كعب في مسلم نعم فحديث أبي بن كعب سي بور رابور أو سولي كما قلنا على كل حال الإنسان يفي دي زيفور في هذه الليلة ويحذر من البدع في أتونسيون أو بدع parmi les بدع qui sont propagées apporter un repas au masjid. Ça, c'est min al-bida. Min al-muhdathat. Et ceux qui font ça, mais ils veulent le khayr, ils sont à la djahl. Lakin, fil haqiqa, c'est devenu mythe comme une fête. Dans certains masajid, c'est comme si t'étais à un mariage. Awalan, ils le font que la nuit du 27, et on a démontré que Laylat al-Qadr, c'était pas forcément la nuit du 27. Et kadhalik, ça leur prend du temps sur l'ibadah. Et Talamoun, les gens, dès qu'ils se rassemblent autour d'un repas, qu'il ou qu'al, et ils perdent beaucoup de temps. Alors que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, ou le Sahaba, à la nuit du 27, il faisait encore plus d'efforts. Tu manges, lakin, l'essentiel, c'est de faire des efforts. Amma, se rassembler dans les masajid, faire un peu as-salat, salat tarawih, thumma, manger pendant des heures, et après, il faut nettoyer pendant des heures, etc. Fahada, c'est pas min sunnat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, abadan. فلهذا أفتت اللجنة دائما أن هذا سبب من سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بل من المحدثات من البدع. Donc الإنسان il se consacre à العبادة في تلك الليلة. Que ça soit le 27 ou autre. كذلك من المحدثات parmi les choses qui ont été inventées أن بعض الناس ils font العمرة la nuit du 27. لأن pour eux c'est la nuit du destin. قال شيخ ابن عثيمين تنبيه هنا مسألة يفعلها كثير من الناس يظنون أن العمرة في ليلة القدر مزية أن لي في قال أن للعمرة في ليلة القدر مزية أي فضيلة أي سميوك إن عمرة مثلا dans un autre mot dans un autre nuit. أما العمرة في رمضان نعم هي دي أدلة أما la nuit du 27 فلا بل la nuit du 27 tu dois te consacrer à salat. قال يظنون أن للعمرة في ليلة القدر مزية فيعتمرون في تلك الليلة ونحن نقول تخصيص تلك الليلة بالعمرة بدعة لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع بها Et ça, c'est une règle. Spécifier une ibada dans un moment donné ou dans un lieu donné que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas démontré ou il n'a pas fait, c'est une bid'a. Mathalan, penser que l'Umra, la nuit du 27, c'est bien ou c'est mieux, et chaque année, si la personne elle pouvait, elle le ferait, c'est une bid'a. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait l'Umra fi Ramadan. Et ils n'ont jamais spécifié la nuit du 27 avec une Umra. Bel, quand ils arrivaient, ils faisaient l'Umra. Et il se concentrait dans, il faisait des efforts dans des autres choses. Amma, faire l'umra, quand tu arrives, thumma, la nuit du 27, tout le monde refait une umra, c'était pas comme ça à l'époque du prophète, alayhi salatu wa sallam. Ça, ça te montre, al-bid'a, même si en apparence c'est bien, il y en a ba'duhum, ça y a il est où le mal? C'est une umra. Surtout, c'est pas tout le temps qu'il va, hunak, et c'est une occasion pour lui, et il va te dire, il faut faire l'umra là. Notre dîn, c'est pas avec les passions, avec les envies. Notre dîn, c'est par rapport à... On a un modèle. Ça serait bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait. Fali tu trouves ba'd an-nas, ils vont à l'umra, à Ramadan. As-sunna, c'est que tu fasses l'umra marra wahida. Ba'd-hum, il fait l'umra peut-être 20 ou 30 fois. Wallahi, ba'd-hum, ils la font plusieurs fois par jour. Ils sortent ce qu'ils appellent le tan'im, ils reviennent et ils font l'umra. Thumma, ils sortent. Rubama, il fait 2 à 3 fois. Là, c'est pas mis sunnat Nabi alayhi salatu wasalam. Notre dîn, c'est pas plus tu fais mieux, c'est là. Notre dîn, c'est plus tu suis le Nabi sallallahu alayhi wasalam, plus tu as du ajr, si tu es sincère. Là, c'est important. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Il te dit, il est où le mal? C'est la nuit du destin, je profite. La nuit du destin, c'est une ibada. C'est une ibada, et l'ibada, tu dois suivre le Nabi sallallahu alayhi wasalam. Et là, tu vas tomber sur, dans le bid'a. Et nous, on te dit, pourquoi tu ne fais pas comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça te plaît pas comment il a fait? Il va dire si. Enfin, suis le Nabi alayhi wa sallam. Il n'a jamais fait hada, enfin, ne le fais pas. Là, c'est du dîn. Amma, autre que le dîn, naam. Tu veux, il y a une chose qui te fait du bien tant que ce n'est pas haram, c'est autorisé. Et tu fais des efforts dans cette chose. Là, ben, tant que ça ne te fait pas du mal dans ton dîn. Amma, dîn, là, tu fais, il faut avoir un délit. Et ça, on l'a expliqué plusieurs fois. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il a. فصل في هذا عن كلام طويل لكن نحن نكتفي بهذا فهذا ما يتعلق بليلة القدر l'essentiel c'est de connaître الفضل على الفضل العظيم القرآن il est descendu dans cette nuit أي من بيت العزة إلى سماء الدنيا ثم pendant plusieurs années النبي صلى الله عليه وسلم recevait la révélation كذلك cette nuit elle équivaut à ألف شهر أي في العبادة plus de 80 ans. كذلك celui qui veille en salat cette nuit et il est sincère et il espère la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. كذلك l'essentiel c'est de savoir cette nuit elle est quand et as-sahih c'est qu'elle est dans les 10 dernières nuits et le plus souvent les 10 dernières nuits impaires et le 21, le 23, le 25, le 27, le 29 et le plus souvent le 27. Donc on fait des efforts les 10 dernières nuits, encore plus les nuits impaires, encore plus les 7 dernières, et encore plus le 27. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.